Chapitre 13. Du je ne sais quoi. Il y a quelquefois dans les personnes ou dans les choses un charme invisible, une grâce naturelle qu'on a pu définir et qu'on a été forcé d'appeler le je ne sais quoi. Il me semble que c'est un effet principalement fondé sur la surprise. Nous sommes touchés de ce qu'une personne nous plaît plus qu'elle ne nous a paru d'abord devoir nous plaire. Et nous sommes agréablement surpris de ce qu'elle a su vaincre des défauts que nos yeux nous montrent et que le cœur ne croit plus. Voilà pourquoi les femmes laides ont très souvent des grâces, et qu'il est rare que les belles en aient. Car une belle personne fait ordinairement le contraire de ce que nous avions attendu. Elle parvient à nous paraître moins aimable. Après nous avoir surpris en bien, elle nous surprend en mal. Mais l'impression du bien est ancienne, celle du mal nouvelle. Aussi les belles personnes font-elles rarement les grandes passions, presque toujours réservées à celles qui ont des grâces, c'est-à-dire des agréments que nous n'attendions point, et que nous n'avions pas sujet d'attendre. Les grandes parures ont rarement de la grâce, et souvent l'habillement des bergères en a. Nous admirons la majesté des draperies de Paul Véronèse, mais nous sommes touchés de la simplicité de Raphaël et de la pureté du Corrège. Paul Véronèse promet beaucoup et paie ce qu'il promet. Raphaël et le Corrège promettent peu et paient beaucoup, et cela nous plaît davantage. Les grâces se trouvent plus ordinairement dans l'esprit que dans le visage, car un beau visage paraît d'abord et ne cache presque rien. Mais l'esprit ne se montre que peu à peu, que quand il veut, et autant qu'il veut. Il peut se cacher pour paraître, et donner cette espèce de surprise qui fait les grâces. Les grâces se trouvent moins dans les traits du visage que dans les manières, car les manières naissent à chaque instant, et peuvent à tous les moments créer des surprises. En un mot, une femme ne peut guère être belle que d'une façon, mais elle est jolie de 100 000. La loi des deux sexes a établi parmi les nations policées et sauvages que les hommes demanderaient, et que les femmes ne feraient qu'accorder. De là, il arrive que les grâces sont plus particulièrement attachées aux femmes. Comme elles ont tout à défendre, elles ont tout à cacher. La moindre parole, le moindre geste, tout ce qui, sans choquer le premier devoir, se montre en elles, tout ce qui se met en liberté devient une grâce. Et telle est la sagesse de la nature, que ce qui ne serait rien sans la loi de la pudeur devint d'un prix infini depuis cette heureuse loi qui fait le bonheur de l'univers. Comme la gêne et l'affectation ne sauraient nous surprendre, les grâces ne se trouvent ni dans les manières gênées, ni dans les manières affectées, mais dans une certaine liberté ou facilité, qui est entre les deux extrémités. Et l'âme est agréablement surprise de voir que l'on a évité les deux écueils. Il semblerait que les manières naturelles devraient être les plus aisées. Ce sont celles qui le sont le moins. Car l'éducation, qui nous gêne, nous fait toujours perdre du naturel. Or nous sommes charmés de le voir revenir. Rien ne nous plaît tant dans une parure que lorsqu'elle est dans cette négligence, ou même dans ce désordre qui nous cache tous les soins que la propreté n'a pas exigés, et que la seule vanité aurait fait prendre. Et l'on n'a jamais de grâce dans l'esprit que lorsque l'on dit est trouvé, et non pas recherché. Lorsque vous dites des choses qui vous ont coûté, vous pouvez bien faire voir que vous avez de l'esprit, et non pas des grâces dans l'esprit. Pour le faire voir, il faut que vous ne le voyez pas vous-même. Et que les autres, à qui d'ailleurs quelque chose de naïf et de simple, en vous ne promettez rien de cela, soient doucement surpris de s'en apercevoir. Ainsi les grâces ne s'acquièrent point. Pour en avoir, il faut être naïf. Mais comment peut-on travailler à être naïf? Une des plus belles fictions d'Homère, c'est celle de cette ceinture qui donnait à Vénus l'art de plaire. Rien n'est plus propre à faire sentir cette magie et ce pouvoir des grâces qui semblent être donnés à une personne par un pouvoir invisible, et qui sont distingués de la beauté même. Or, cette ceinture ne pouvait être donnée qu'à Vénus. Elle ne pouvait convenir à la beauté majestueuse de Junon, car la majesté demande une certaine gravité, c'est-à-dire une gêne opposée à l'ingénuité des grâces. Elle ne pouvait bien convenir à la beauté fière de Pallas, car la fierté est opposée à la douceur des grâces, et d'ailleurs peut souvent être soupçonnée d'affectation.